quoi qu'on fasse, yeah. Rien pour nous. La gade, toujours les mêmes, non. Yo, bébé. Non. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, yeah, yeah, pas de brigade, yeah, non. Et je suis pas que je dis parce que des vérités on écrit. Comme un médecin qui prescrit mon ordonnance, quoi. Ma semence, des textes féconds et s'il y en a qui détestent, quoi. Le fait qu'on fait ce qu'on veut, des raps comme des vœux. Que c'est l'exos, non, j'en remercie Dieu. Dans superficiel d'hier, des mâts, des gars qui construisent. C'est que tout est possible, sans oublier, non. Que je reste quand même la cible, j'apprécie l'instant. Comme le plaisir montant d'un entre deux, gars. Fier de ce que je suis, je remercie mes vieux. Sans cesse censuré, je ne peux m'assurer le succès sans suer. Quand l'aura telle une censure, avec comme une arme, je frappe pour tuer. Comme le move, je veux que la révolte passe du old school au new school. Ouais, faut qu'on school mal, qui veut que dans la gade les on school. On se bat pour l'égalité, même si beaucoup restent pessimistes. Qu'on crie l'égalité dans l'espoir qu'un jour la paix s'immisce. Ils veulent emprisonner nos âmes juste parce qu'on est ce qu'on est. Mais la liberté est un don de Dieu et c'est avec qu'on est. Old school, près de 10 ans que j'y roule. Pas de tendance ni d'effet de mode sous lesquels je roule. Old school. La gâte Joe et Joe, même quand y'a pas de foule, on roule old school. Près de 10 ans que j'y roule, pas de tendance ni d'effet de mode sous lesquels je croule. Old school, new school. La gâte Joe et Joe, même quand y'a pas de foule, on roule. Retire tes couilles, sans t'épée, et encore plus en 9-9-8. Et quoi qu'on en dise, j'ai survécu à toutes les critiques. Des rameurs qui voulaient ma mort, qui m'ont fait ramer à mort. Et dès lors, sans se douter, tous ces conseils et leurs sœurs. C'est bien pour ça que j'ai jamais tombé dans leur piège. Les tendances et des modes. Parce que j'ai toujours flairé leur manette. Celui qui consiste à critiquer pour des boussoles et isolé. Désolé, mais je serai fraterné ta mère. On reste authentique comme jouer star en disant autant de trucs. C'est le vaboum, bébé. Rassembler autant de types. Foutre la merde comme en 60, mais on s'en tue. Si ça déplaît aux autorités, et on s'en tape. Ouais. Même si ça énerve nos détracteurs, on préfère représenter et rester vrai plutôt que d'être acteur. Donc il vous faut accepter nos personnalités, capables de faire des actions dont personne n'a l'idée. La brigade, la brigade, J-O-L-G-S-T-R-R-J-A-W-A-W-A-N-L-I-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R-O-L-S-T-R- school. La gâteau idiot, même quand y'a pas fou le boulot. Old school, près de 10 ans que j'y roule. Pas de tendance, ni d'effet de mode sous lesquels je croule. Old school, la gâteau idiot, même quand y'a pas fou le boulot. De mafiane, d'une intox exportée des médias. Dépendance à bol et des tendances. De la donnée d'un système bancal. La garde d'un bancal. Lifié d'expert, Dexter, sexter et au risque, lié au risque. Et je dis un truc si y'a homicide. A chaque guerre, c'est balles perdues. Honnête, connaît, fesse, connaît. Team prépondérant. Y'a les médailles que j'ai pas. Des prises de tête que j'ai pas eu. J'irai sans bouger. Ça turbo, ça n'étonne que toi. Ceux qui ne savent pas que chaque fois. Que le mic est dans mes mains. La vérité avant son là. Là c'est les ça old school. Les scales sont faf au milieu de la foule. Parce qu'ils se disent, c'est tout sauf faire l'action pour presse un scandale. Un éternel Tchernobyl ira balle réel sans mobile. Une nouvelle au but d'un trou habile de plus en plus hostile. Installé, pour ébranler le mic. Au lieu que mes salopes ça sent le crack. Pour faire grec à l'entraque, un de ces quatre, je veux que mon laf trinque. En bas les difformes sectaires pour mon secteur. Je tourne comme un inspecteur. Si tu me dérespectes, je règle ça à l'extincteur. Old school, près de 10 ans que j'y roule. Pas de tendance, ni l'effet de mode sous les.